L'orgueil de Martin Luther. Et là, je ne parle pas en mal de Martin Luther, je ne fais qu'exposer les faits historiques. Vous en jugerez par vous-même. Une mise au point importante. Quand j'utilise le terme protestant, là, je ne parle pas de tous les chrétiens évangéliques, mais uniquement des chrétiens de droite là, qui haïssent l'Église et tout ce qu'elle représente. Plusieurs vont penser que je calomnie ou dénigre un grand personnage. Mais personne n'est grand s'il est animé de l'esprit d'orgueil qui rapetisse l'âme et l'intelligence. Vous jugerez par vous-même de la vénération que lui vouaient ses disciples et dont Luther ne leur a jamais fait aucune réprimande à ce sujet. Vous savez, le caractère d'un homme nous renseigne de façon certaine sur ses doctrines. Alors, c'est cet aspect de Luther que j'aimerais que nous regardions ensemble. Parce que la Bible dit que celui qui est enflé d'orgueil tombe sous le jugement du diable. C'est-à-dire qu'il aura part à la même punition que le diable. C'est dire combien l'orgueil est un péché détestable aux yeux de Dieu. C'est un péché impardonnable. Voilà ce qui est écrit au début de son livre des commentaires sur la Genèse. Introduction que ses disciples ont composée eux-mêmes. Commentaire du premier chapitre de la Genèse par notre père et maître vénéré, le docteur Martin Luther, donné à l'école de Wittenberg. Quand j'ai lu ça la première fois, j'en suis pas revenu, là, j'ai eu la bouche ouverte pendant quelques secondes, là. Commentaire de notre père et maître vénéré. Trois titres ronflants et immodestes. C'est un peu bizarre parce que la théologie de Luther condamne très fort les religieux qui se font appeler « mon père » en citant ce verset. « N'appelez personne votre père sur la terre, car un seul est votre père, Dieu. » Lui-même enseignait que c'était un péché d'appeler un religieux « mon père ». Mais quand ses disciples l'en glorifient lui, ben c'est plus un péché tout à coup, il semblerait. Ses disciples l'appellent également « maître ». Ce que le Christ a interdit lui-même en disant « N'appelez personne votre maître, car un seul est votre maître, le Christ. » Également, quand on parle à des protestants et qu'on leur dit que le catholique n'adore pas la mère de Jésus, ils ne font que la vénérer seulement. Ils se scandalisent, ils nous disent que vénérer et adorer, c'est la même chose. Ce qui est faux, regardez dans le dictionnaire, mais quand même. Quand ce sont les catholiques qui vénèrent un homme d'Église, du présent ou du passé, on crie à l'idolâtrie. Mais quand il s'agit de Martin Luther, bizarrement, ce n'en est plus. Le Christ les aurait traités d'hypocrites. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, Proverbe 20-23, « L'Éternel a en horreur deux sortes de poids. » Romains 2-1, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Dans son livre, il dit que tous les commentaires sur la Genèse de tous les rabbins qui ont vécu avant le Christ n'ont été, et je cite, « que puéril bavardage », synonyme de puéril, bébête, enfantin, futile, superficiel et niais. Il essuie 1500 ans de réflexion rabbinique sur les Écritures du revers de la main, comme ça. Il continue en disant « Dans l'Église elle-même, personne ne s'est trouvé assez fort pour l'expliquer. » Voilà qu'il vient encore de balayer 1500 ans de réflexion chrétienne d'un seul coup de langue. Il se croit à lui seul plus fort que tous les rabbins de tous les siècles jusqu'à lui. Il dit également de tous les pères de l'Église « Les pères de l'Église étaient entièrement dépourvus de l'esprit et d'intelligence. » Je vous rappelle que les pères de l'Église sont les hommes de Dieu qui ont été les disciples directs des apôtres et les plus grands hommes de Dieu qui ont dirigé l'Église primitive après eux. En définitive, ils traitent tout le monde, depuis Moïse jusqu'à lui, ils les traitent tous d'idiots, d'ignorants. Il se dit plus intelligent que 3000 ans de réflexion sur la Genèse, c'est-à-dire les chapitres qui parlent de la création. Il se place au-dessus de tous. Luther ridiculise tout le monde. En réalité, c'est sa propre mégalomanie qui est ridicule. La mégalomanie est une maladie mentale, soit dit en passant. C'est un orgueil démesuré. Il se prête à lui-même une intelligence des Écritures qui n'a jamais existé sur la terre avant lui. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne se prenait pas pour de la merde, ce gars-là, hein? Mais dans l'un de ses commentaires, il dit « Le ciel a été fait avec de l'eau, c'est pourquoi il pleut. » Et c'est ce gars-là qui se permet de traiter le monde entier d'ignorant. Tout au long de ses commentaires, Luther rabaisse tout le monde tout le temps. C'en est fatigant, prétentieux, présomptueux, arrogant. Luther prenait un langage affecté, animé d'un esprit de vaine gloire et de supériorité incroyable, alors qu'il n'était qu'un poseur qui se faisait le souverain pontife de la connaissance biblique. Je les ai lus, ces fameux commentaires sur la Genèse. Croyez-moi, ils n'ont absolument rien de bien bien originaux, là. En tout cas, rien qui n'a jamais été dit. Dans ses discours, Luther était offensant, blessant, choquant, désagréable, impertinent, impoli, infamant, injurieux, insultant et outrageux. Et pourtant, que dit l'Écriture? 1 Corinthiens 5:11, « Ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère est outrageux, de ne pas même manger avec un tel homme. » 1 Corinthiens 6:10, « Ne vous y trompez pas, les outrageux n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Une autre traduction a rendu « ceux qui calomnient ». La traduction Philippe a rendu « ne vous faites aucune illusion, des lèvres impures n'auront aucune part dans le royaume de Dieu. » Dites-moi, frères et sœurs, est-ce vraiment en un homme comme ça que vous voulez placer votre confiance et apprendre la Bible? Est-ce à un homme comme ça que vous voulez ressembler? Je vous le rappelle, Luther est mort. Mais votre pasteur est allé dans une école biblique protestante et il vous ramène en chair ce qu'il a appris de là-bas. Les doctrines anticatholiques que votre pasteur vous nourrit là, ne viennent pas de la Bible, mais de cette école où il est allé se faire laver le cerveau quand il était jeune et facilement influençable. Les protestants haineux et anticatholiques ne sont jamais des modèles de caractère. C'est très vrai, là. C'est remarquable. Ceux qui n'exercent pas la charité de Christ envers autrui ne sont pas qualifiés pour en parler. Le conseil que je vous donne, c'est de vous détacher de tout enseignant qui n'est pas un modèle de caractère. Un homme de caractère humble, même s'il n'a pas beaucoup de connaissances, va vous édifier davantage qu'un savant orgueilleux. Informez-vous sur ce que l'Église croit vraiment à propos du salut. Informez-vous à propos de son credo. Lisez le catéchisme de l'Église pour connaître toutes les bases bibliques de ses doctrines. Alors vous déciderez par vous-même si c'est l'Église ou Luther qui était dans le vrai. Moi, j'ai été protestant pendant plus de 30 ans, et quand j'ai commencé à lire de la littérature catholique, je suis vraiment tombé de ma chaise de voir tous les mensonges que l'école protestante m'avait entrés dans le crâne et de voir tous les versets bibliques tordus et falsifiés qu'on avait interprétés faussement et qu'on m'avait donné comme vérité biblique. Je vous encourage à remettre en question tout ce qui vous est venu de la théologie de Martin Luther, de remettre les pendules à zéro et de recommencer votre apprentissage de la Bible avec un esprit neuf. Vous avez été endoctriné. Jésus a dit « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. » Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Marc 2:22. Alors si vous voulez vraiment grandir, vous devez faire certain que vous avez un esprit neuf. Et pour ce faire, vous devrez rejeter tout ce que vous avez appris jusque-là et réétudier la Bible sur vos genoux. Luther avait commencé humblement avec ses thèses. Erasme et plusieurs autres avaient loué son courage et son honnêteté. Malheureusement, l'homme n'était pas ce qu'il paraissait. Bossuet a écrit « L'orgueil ne se connaît pas lui-même dans ses commencements timides. D'abord, il se cache jusqu'à ce qu'il ait trouvé l'occasion de se déclarer. » Fin de citation. Son caractère rebelle s'est peu à peu révélé. Il s'échappait de temps en temps jusqu'à dire qu'il ne changerait jamais rien de sa doctrine, ce qui n'est pas digne d'un esprit humble et enseignable. Tous les chrétiens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur vont changer ce qu'ils croient jusqu'à la fin de leur vie, parce que le Seigneur va les amener de lumière en lumière. Les protestants semblent dire à tout coup que tous les catholiques vont en enfer, qu'un catholique qui exerce la charité est un hypocrite. Pourquoi tout ce qui sort de bon de cette Église doit être obligatoirement faux? Le protestant possède une théologie étroite et exclusive, intégriste. Il se croit seul dans la vérité. Dès lors, tous les catholiques sont soit des menteurs ou des hypocrites pour lui. Croyez-vous être les seuls, frères et sœurs, à être capables d'exercer la charité sans hypocrisie? Premièrement, vos jugements à l'emporte-pièce ne sont pas ce que j'appelle marcher dans la charité. L'amour ne soupçonne point le mal, et l'amour se réjouit de la vérité, au contraire. Vous n'êtes pas content quand vous voyez un catholique faire du bien ou donner une bonne parole à quelqu'un? Êtes-vous réjoui par ce spectacle ou grincez-vous des dents? Si vous grincez des dents, c'est que vous êtes devant une personne qui est meilleure que vous et que vous avez une réaction de pharisien. Ayez l'humilité de reconnaître le bien quand vous l'avez devant les yeux et de le saluer bien bas. 1 Jean 2,29 « Reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Quiconque, selon le dictionnaire, quiconque signifie n'importe qui que ce soit, quel qu'il soit, même un catholique. 1 Jean 4,7 « L'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Je reconnais donc la paternité céleste et la nouvelle naissance de tout catholique qui pose des gestes ou dit des paroles charitables. L'œuvre et les écrits de Martin Luther et de Jean Calvin étaient imbus de haine, d'arrogance et de calomnie, d'accusations, d'attaques verbales, de dénigrements, de diffamations, d'injures, d'insinuations malveillantes, de méchanceté, de médisances, de propos perfides et de traîtrises. En un mot, une encre pleine de venin. Et tous les protestants intégristes et haineux d'aujourd'hui sont leurs dignes fils. Jean 8,38 « Vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » C'est pourquoi je reprends au compte des protestants ce qu'Étienne disait aux scribes et aux pharisiens. « Hommes aux cou raides, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Luc 11,48 « Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez. » C'est pas étonnant que nous retrouvions les mêmes fruits malins et les mêmes paroles envenimées contre les catholiques dans la bouche et les écrits de beaucoup de chrétiens protestants sur Facebook. En conclusion, j'aimerais simplement dire ceci. Le caractère d'un enseignant est toujours la principale doctrine qu'il prêche. Son caractère devient son principal enseignement. Et ce qui émane d'un homme quand il enseigne est tout aussi percevable que ses paroles. C'est un grand homme un jour qui a dit « Un homme ne devrait en suivre un autre que dans la mesure où cet homme suit lui-même le Christ. » Alors le conseil que je vous donne, c'est de vous détacher d'un enseignant qui n'est pas un modèle de caractère. Même s'il a des diplômes, plein les murs. Là où se trouve l'orgueil, l'Esprit Saint ne se trouve jamais. Là où se trouve l'orgueil, la vérité fuit le cœur et l'entendement. Et cet homme, abandonné à lui-même, interprétera toujours la Bible selon la chair. L'orgueil qui était dans le cœur de Martin Luther ne pouvait pas permettre à la vérité d'entrer. De là, toutes ses erreurs théologiques et les directions horribles qu'il a données à son œuvre. Le piège dans lequel Luther est tombé est maintenant largement ouvert. À chaque jour, il en tombe des milliers depuis 500 ans. Moi, je dis, et la Bible dit, « Ne participez pas au péché d'autrui. Refusez d'écouter des sermons où l'on calomnie l'Église. Le protestantisme, avec toutes ses erreurs et toutes ses horreurs, n'est pas en droit de juger personne. Éloignez-vous de tout frère qui est animé d'un esprit d'inimitié envers les catholiques et recherchez la compagnie de vrais chrétiens évangéliques, de ceux qui ne jugent personne, qui respectent la foi des autres, même s'ils n'y adhèrent pas lui-même, qui ne parlent pas en mal de l'Église, qui refusent de dénigrer leurs prochains et qui n'ont pas de préjugés. Amen.